la fusée, tout le monde se rhabille. On s'aime pour le crime, on s'aime pour la vie. Tu m'as vu me noter dans la Mondeo. J'avais les bras levés, la sacoche pleine d'euros. Dis à ton père, je veux faire du plata pour l'anneau. J'ai pris ton quartier, j'ai pris Sabastano. Manda le bolide, on se barre à Milan. Ton boule m'a rendu fou, mais tu m'as dit non. On fait danser Paname, on fait danser Lyon. Elle a des beaux yeux, elle connaît le violon. Mika signature, je veux le monde indé. Charbonné solo pour avoir la paix. Achaya les civils, barrage à la cité. On ferme le charbon, on quitte le quartier. Elle m'a dit Gambi, pourquoi ils sont percés. Dans ce game des gars, percer sans sucer. Je te fais danser, j'attends de percer pour raconter. J'ai pris de la bouteille, je fais danser ton quartier. J'aime tes câlins Catalina. J'aime tes cheveux Catalina. Prends tes accessoires en style à Milan. Hey, Catalina. J'aime tes câlins Catalina. J'aime tes cheveux Catalina. Prends tes accessoires en style à Milan. Hey, Catalina. J'aime tes câlins Catalina. J'aime tes cheveux Catalina. Prends tes accessoires en style à Milan. Hey, Catalina. Alors regarde fou le regard de Neptune. Prie bien tes copines, sors on les allume. Voyage du quartier, je me vois dans les dunes. J'ai vu le 10 grammes de shit dessiné sur la lune. Je vais cacher le tel, je vais cacher la cime. Il me fait le bandit, crédit à la lime. Tombou le tombou le tombou l'assassine. Elle me dit t'es la fusée, doucement la cible. Catalina elle veut le pôle GLA. Hbiba, hbiba, hbiba, hbiba. J'ai rien dans les poches à part un Clio 3. Hbiba, hbiba, hbiba, hbiba. Tu veux la paix, faut faire la guerre aux malheureux. J'ai vu ton boule magique, là j'suis trop heureux. Vendez du shit de la peur, j'fume aucun des deux. Escale avec moi, elle me dit qu'elle me veut. Viens on prend le monde, ce soir on est deux. Je regrette jamais rien, tant pis si tu m'en veux. Je regarde ma planète, tu poses et j'fais un vœu. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi qui m'en veut. J'aime tes câlins Catalina. J'aime tes cheveux Catalina. Prends tes accessoires en style à Milan. Hey Catalina. J'aime tes câlins Catalina. J'aime tes cheveux Catalina.